pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford 950 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. On va parler de football. On sait que la saison de football collégial des Gaillards et des Cougars de Chicoutimi était débutée, mais au niveau universitaire, c'était les débuts universitaires de Philippe Lavoie en fin de semaine. Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc. On sait qu'il a joué avec s'est commis avec les Carabins de Montréal. Comment il s'est débrouillé? On parle avec son instructeur, Danny Machosa. Salut, Danny. Salut, comment ça va? Ça va bien, Danny. On veut prendre des nouvelles d'un des nôtres, Philippe Lavoie. On sait qu'on a entendu parler beaucoup quand il était collégial. On disait que c'était un joueur dominant. Là, il est passé à une autre étape, football universitaire. Et je voulais savoir que c'était son premier match en fin de semaine. Comment il s'est comporté? Puis dans l'ensemble, est-ce que tu as aimé ce que tu as vu? Ben écoute, depuis qu'il a mis pied à l'Université de Montréal, il travaille tellement fort. On était vraiment satisfait avec son camp, puis on était satisfait avec sa performance aux unités spéciales vendredi passé à Concordia. C'est un jeune qui a tout un avenir devant lui. C'est un joueur qui va avoir un impact cette année pour nous, puis il va avoir un mot à dire dans notre succès pendant les prochaines années, c'est sûr et certain. Alors, puis c'est un bon kid, un jeune qui est très tranquille, qui est très sharp, qui est bien respecté déjà par ses coéquipiers dans le vestiaire. Alors, on est tellement chanceux de l'avoir avec nous. OK. Comment tu entends l'utiliser? Est-ce que tu entends l'utiliser à sa position naturelle? C'est sûr que c'est souvent les unités spéciales, c'est souvent l'entrée, que ce soit au football canadien, dans les professionnels ou peu importe. C'est souvent la porte d'entrée pour un jeune. Est-ce que tu as l'intention de l'utiliser à sa position naturelle dès la première année? Ben, ça se peut qu'il va y avoir de l'action. On n'est pas rendu là encore, okay, parce que c'est sûr qu'on va continuer de changer nos fronts de semaine en semaine. Alors, des fois, ça se peut qu'on va jouer avec un joueur de ligne de moins, puis avec un autre secondeur. Alors, si c'est le cas, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'action. Mais la réalité, c'est que, comme j'ai dit au tout début, là, c'est un jeune qu'il est déjà en train de s'établir ici à l'université, puis dans les football universitaires, puis il va nous aider, c'est sûr et certain. OK. Est-ce que physiquement, quand tu passes à un autre niveau, tu as besoin peut-être de prendre de la maturité au niveau de la musculation et ainsi de suite? De ce côté-là, ça c'est quand même pas si pire ou il y a du travail à faire? Oui. Ouais? Non. Écoute, il est avec nous depuis le mois de janvier, puis nous, on se trouve dans la salle de muscu 4 fois par semaine, puis il a pas raté une session. Alors, déjà, tu vois un grand changement en Philippe. Puis, écoute, moi, je pense que c'est plutôt la vitesse. C'est plutôt, avec une verge, avec des joueurs de 23, 24 ans. C'est là la plus grande différence. Alors, le moment que Philippe va être capable de ralentir un petit peu le jeu, puis capable de le voir différemment de la façon qu'il le voit actuellement, mais c'est sûr que c'est un joueur qui va dominer, sans doute. OK. Est-ce qu'il manque un petit peu de grip? Parce que moi, on me disait, il est bon, il a du talent incroyable, mais il manque un peu de méchanceté. Puis au football, il faut que tu aies un peu de méchanceté. Est-ce que ce côté-là, comment tu le trouves? Est-ce qu'il est correct de ce côté-là aussi? Ben écoute, moi je pense que c'est ce côté-là, il l'a, sauf que okay, c'est pas quelqu'un qui va je pense pas qu'il va l'exprimer à l'extérieur du terrain, mais tu vois que il a pas peur de s'imposer physiquement, je te le garantis. OK. Bon, on va parler maintenant de ce qui s'est passé du côté de la première victoire contre Concordia par la marque de 10-3. Est-ce que... mais on me dit qu'il y a plusieurs ajouts de fait cette année pour chauffer le Rouge et Or. C'est souvent ça au football universitaire québécois, c'est souvent le Rouge et Or contre les Carabins. Est-ce que les acquisitions que tu as faites vont faire en sorte que ça va... que finalement, vous allez passer à une autre étape? Bien, j'espère, mais ça reste que le Rouge et Or, c'est une des meilleures équipes, ouais, pas seulement au Québec, mais au pays. Puis les autres équipes aussi se sont améliorées. Quand on regarde la fin de semaine qu'on vient juste de vivre, Concordia n'est plus la même équipe qu'il était l'année passée avec tous les changements qu'ils ont eu pendant la saison morte. Puis même Sherbrooke, écoute, à la fin de la première demi, c'était 14-9 au Peps. C'était des choses qu'on voyait pas de Sherbrooke dans les années précédentes. Puis je vais aller même plus loin. De la première séquence à l'attaque, écoute, ils ont eu 11 jeux d'attaque pour aller chercher 100 verges puis en toucher avec un jeu de Carrière, un recrue en poste de Carrière. Alors, écoute, ça promet pour plusieurs équipes. Là, la question, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour avoir une meilleure idée où toutes ces équipes-là s'en vont. OK. Anthony Calvillo, parle-moi d'Anthony Calvillo. Est-ce que ça, c'est une acquisition importante et j'imagine que les jeunes doivent être impressionnés juste par sa présence et sa prestation? Ben, je dirais que oui. C'est quelqu'un qui est très calme, quelqu'un qui est bien structuré, quelqu'un qui travaille fort. Je pense qu'il est parmi une des coachs qui arrive le plus tôt le matin vers 6h30, 7h moins quart ici. Puis, tu sais, on rentre chez nous pas avant 10h le soir. Alors, c'est quelqu'un qui se prépare comme s'il jouait. Puis, je pense que les joueurs, ils le réalisent qu'il y a une certaine préparation qui se fait pendant la semaine pour avoir du succès pendant 3 heures la fin de semaine. Alors, il l'apprécie énormément. Je pense que ici, adore l'environnement universitaire, de travailler avec des jeunes et d'avoir un impact dans leur vie. Alors, à date, je dirais que tout va bien des deux côtés. OK, OK. Danny, il me reste une question que je veux te poser. Le monde de la NFL a été surpris en fin de semaine, vraiment abasourdi par la nouvelle d'Andrew Luck qui a pris sa retraite. On entend toutes sortes d'affaires. Il était blessé et ainsi de suite. Et il y en a qui disent, on va le voir de plus en plus, ça, des jeunes en pleine ascension ou encore en pleine maturité de leur carrière, à leur prime, prendre leur retraite parce que ils ont de l'argent en banque, ils veulent faire une belle vie jusqu'à la fin de leur temps. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu es dans le football, est-ce que c'est effectivement ce qu'on a vu avec Andrew Luck en fin de semaine, est-ce que on pourrait revoir ça plus souvent, selon toi, là? Oh, bah, écoute, moi, là, je dirais que oui, en particulier quelqu'un comme Andrew Luck qui a 29 ans. Écoute, il était carrière partant à Stanford, je pense qu'il a gradué en génie. Ouais. C'est un jeune qui est brillant, là. Regarde qu'est-ce qu'il a subi concernant les blessures les dernières années. Je pense que physiquement puis mentalement, probablement, il est très épuisé. Puis quand tu regardes tout ce qui se passe actuellement dans le domaine du sport, que ce soit au foot ou même d'autres sports où il y a du contact, à un moment donné, tu te poses la question si ça va encore la peine. Puis dans son cas, lui, quand même, il a eu des belles années. C'est sûr que c'est difficile les dernières années. Je pense qu'il a arrêté quoi, presque 2 saisons et demie là, ouais. Des blessures. Puis comme j'ai dit, c'est quelqu'un assez sharp, assez brillant, puis il est arrivé à la conclusion qu'il n'était plus capable d'endurer tout ce que on lui a demandé d'endurer, puis je parle physiquement puis mentalement. Alors, c'est des choses que il faut commencer à réaliser qu'on va en avoir probablement de plus en plus parce qu'il n'y a personne qui veut que ça finisse comme Mike Webster ou le CAO. Ça, c'est des cas qu'on veut ou des situations qu'on veut éviter à tout prix. Là. Effectivement. Danny, merci beaucoup. On va se reparler au cours de l'année certainement. Un gros merci. L'instructeur-chef des Carabins de Montréal, Danny Mathieu-Chat.